Mahagaruni go natho hidaya sabbabaninam. Puridava barami sabbabato sambodhi mokdama. Edena sajavajena suchiti hodu sabada. I will recite this while listening again. Mahagaruni go natho hidaya sabbabaninam. Puridava barami sabbabato sambodhi mokdama. Edena saja vajena suti de hodu sabada. Les stances que j'ai récitées en pali veulent dire ceci. Le Bouddha possède la grande compassion. Il a mené les perfections à leur accomplissement pour le bénéfice des êtres. Il a atteint l'illumination parfaite. Puissiez-vous être heureux par cette vérité. Le Bouddha avait donc cette grande compassion pour tous les êtres, une compassion sans discrimination. Aujourd'hui, je vais vous parler de la grande compassion du Bouddha. La grande compassion, cela veut dire ceci. Comme le Bouddha a compris parfaitement le Dhamma qui peut mener à la libération, il l'enseigne aux êtres pour que eux également puissent atteindre la libération de la souffrance. Et le Bouddha poursuit, j'ai moi-même traversé l'océan de souffrance. L'océan de souffrance, c'est la naissance, le vieillissement, la décrépitude et la mort. Ayant moi-même traversé l'océan de souffrance, je vais enseigner aux êtres et les aider à atteindre eux également la libération de la souffrance, à traverser l'océan de souffrance. Comme vous le savez, avant d'atteindre l'illumination parfaite, avant de devenir un Bouddha parfait, l'ascète Soumedha avait la grande compassion. Il avait une grande compassion pour les êtres. Lorsqu'il rencontra le Bouddha Dipankara, l'ascète Soumedha savait qu'en fait il aurait pu atteindre Nibbana. Il savait que le moment était venu pour lui de l'atteindre. Mais voyant le Bouddha Dipankara, il renonça à cette occasion qui lui était offerte d'atteindre l'illumination, et par grande compassion, il prit la résolution d'aider les êtres à traverser l'océan de souffrance. L'ascète Soumedha voulait donc devenir un Bouddha, car seuls les Bouddhas peuvent aider les êtres à traverser l'océan de souffrance. Le Bouddha Dipankara confirma donc à l'ascète Soumedha qu'il atteindrait un jour l'état de Bouddha, sous le nom de Gautama. Depuis ce moment, l'ascète Soumedha perfectionna ses paramis comme Sila, Dana, et pendant des éons, il allait les parfaire. Pendant des éons de vie, il allait donc parfaire ses paramis. Et il n'allait pas toujours reprendre naissance dans le plan humain. Parfois, il allait se retrouver dans le plan animal, dans différents plans animaux. Il accepta d'endosser toute cette souffrance parce qu'il voulait devenir un Bouddha. Lorsque ses paramis furent suffisamment mûrs, il reprit naissance dans le plan humain en tant que prince à Kapilavatthu, dans le Népal. Pendant 29 ans, il allait donc vivre en tant que prince. Il était marié à Suddhodana, il eut un fils. Et à 29 ans, il renonça au monde pour se mettre à la pratique de la méditation dans le but de devenir un Bouddha. Il pratiqua donc la méditation pendant 6 ans dans la forêt. Il mangeait très peu, à tel point que son corps était devenu squelettique, il n'y avait plus que les os et la peau. Pourquoi? pourquoi ne voulait-il pas manger? Parce qu'il estimait que c'était une perte de temps. Il voulait devenir un Bouddha et passer tout son temps à pratiquer. Les ascètes ou les moines doivent quêter leur nourriture. Ça leur prend à peu près 2 heures par jour. Et pendant ces 2 heures, il est difficile de maintenir l'attention. Donc pour quelqu'un qui veut réellement atteindre le but, consacrer 2 heures de la journée à manger, c'est une perte de temps. Le futur Bouddha ne mangeait donc plus beaucoup. Il se contenta d'une soupe de haricots et finalement il ne mangea plus rien. Et pour qui faisait-il tous ces efforts? Pour les êtres. Il voulait enseigner aux êtres comment traverser l'océan de souffrance. S'il n'avait pas eu cette motivation, il n'aurait probablement pas accepté de faire tous ces efforts. Il se serait contenté d'atteindre l'illumination au moment où il avait rencontré le Bouddha Dipankara. Mais il faisait beaucoup d'efforts. Parfois, il retenait sa respiration, à tel point que l'air ne circulait plus bien dans son corps. Il pratiquait toutes sortes de méthodes. Il fit cela pendant 6 ans, mais au bout de ces 6 années, il dut constater qu'il n'avait pas atteint l'illumination. Il n'avait même pas réussi à atteindre la concentration. Après quelque temps, il se dit « J'ai pratiqué avec beaucoup d'efforts, à tel point que je n'ai plus que les os et la peau sur mon corps. Si la pratique avait été correcte, j'aurais normalement dû atteindre l'état de Bouddha, mais ce n'est pas le cas. Je n'ai encore atteint aucun stade d'illumination. Et pourtant, je n'ai vraiment pas perdu mon temps. Je n'ai pas médité moins que les autres. Je n'ai pas pratiqué moins que les autres. » Il décida donc de changer sa méthode. Il se remit à manger et s'assit pour méditer. Il quitta donc la forêt de Kuruwila pour se rendre à Gaya. Il y avait là un banyan très beau, très agréable, très attirant, et il s'assit donc en dessous de l'arbre de la Bodhi. C'était le soir. Il prit la détermination de rester assis tant qu'il n'aurait pas atteint l'illumination. Il s'installa donc, le dos bien droit, et se mit à pratiquer la méditation. Le Bouddha se rendit donc dans l'endroit qui de nos jours s'appelle Bodhgaya. Cet endroit n'est pas loin de la forêt de Kuruwila, à 4 ou 5 miles de cette forêt. L'endroit est indiqué pour les pèlerins. Le Bouddha s'était donc installé dans cet endroit pour pratiquer. C'était le soir. Je vous ai déjà expliqué de quelle façon il développa la sagesse. Pendant la première partie de la nuit, le futur Bouddha atteint la connaissance des vies antérieures. Il était devenu capable de se souvenir des vies antérieures, non seulement des siennes, mais de celles des autres également, et à volonté. Pendant la deuxième partie de la nuit, il atteint l'œil divin. Il était devenu capable de voir tout, que ce soit éloigné ou rapproché. Et pendant la troisième partie de la nuit, il élimina toute forme de kilesa. Lorsque pendant la troisième partie de la nuit, il atteint donc la connaissance, il avait réussi à éliminer de lui toute forme de kilesa, il était devenu un Bouddha. Un Bouddha, c'est celui qui sait tout, celui qui s'est débarrassé de toute forme de kilesa, les kilesa latentes, les kilesa moyennes et les kilesa grossières. Il détenait dorénavant Sambhinyutta. Il était devenu un Sambhinyutta Bouddha, ou un Sammasambuddha, un Bouddha parfaitement illuminé par lui-même. Il était donc devenu un Bouddha, et un Bouddha ne se repose pas dans la vie. Il est préoccupé par les êtres. En général, lorsqu'on a terminé un travail ou qu'on a terminé ses études, on se détend. Mais ce n'était pas le cas du Bouddha. Il était préoccupé par les êtres. J'ai moi-même compris le Dhamma, disait-il, j'ai moi-même réalisé les quatre nobles vérités, la vérité de la souffrance, la vérité de l'origine de la souffrance, la vérité de la cessation de la souffrance, la vérité de la pratique qui mène à la cessation de la souffrance. J'ai moi-même compris à fond, clairement. Je vais donc enseigner aux êtres pour que eux également puissent comprendre à fond et clairement. M'étant moi-même libéré de la souffrance, je veux que tous les êtres puissent également se libérer de la souffrance. Mais ayant moi-même traversé l'océan de souffrance, je veux que les êtres puissent eux également traverser l'océan de souffrance. Ceci, c'est la grande compassion. Comme il avait atteint l'illumination parfaite, il enseignait jour et nuit. Il ne se reposait que 2 heures, ou même moins, pendant la nuit. Le reste du temps, il enseignait aux humains, aux devas. Notre Bouddha était né à une époque où la durée de vie n'était que d'une centaine d'années. Il n'était pas possible pour lui de vivre au-delà de 100 ans, alors que les Bouddhas qui l'ont précédé étaient apparus à des époques où la durée de vie était bien plus longue, parfois 2000 ans, parfois 100 000 ans. Notre Bouddha avait donc mené ses paramis à leur accomplissement, mais sa durée de vie n'était pas très longue. C'est pourquoi il ne voulait pas perdre de temps. Il avait atteint la pleine illumination à l'âge de 35 ans et il passa le reste de sa vie à enseigner et mourut à l'âge de 80 ans. Lorsqu'il était jeune, il avait beaucoup d'énergie, mais il n'utilisa pas ses pouvoirs supranormaux, même s'il aurait été capable de le faire. Il vivait normalement. Et s'il voyait quelqu'un qui avait les potentialités pour atteindre l'illumination, il se rendait chez lui pour lui enseigner le Dhamma. Lorsqu'il eut 80 ans, le Bouddha était devenu très faible physiquement. Il était proche du parinibbana, autrement dit de la mort. Il désira donc se rendre à Kusinara, une ville très connue. Mais Ananda Thera, son cousin, lui demanda de ne pas se rendre à Kusinara pour rire, mais plutôt à Rajagaha. Le Bouddha refusa parce que il jugeait qu'il était très important, même extrêmement important pour lui, d'atteindre Kusinara afin d'y mourir. Il était donc très faible, mais décida malgré tout de se rendre dans cette ville, et il dut s'arrêter très souvent en route pour se reposer. En chemin, le Bouddha tomba malade. Il avait la diarrhée, ne se sentait pas bien. Il voyageait à pied et c'était très dur. Mais il voulait cependant se rendre à Kusinara parce qu'il avait vu qu'il y avait là quelqu'un qui pourrait atteindre l'état d'arhat. Et s'il n'y avait pas été, cette personne aurait perdu sa chance. Cet homme s'appelait Subhadda. C'était un ascète non bouddhiste. Il était dans la confusion. Il avait rencontré beaucoup de professeurs qui tous prétendaient être des bouddhas. Mais Subhadda était dans la confusion. Il se demandait si c'était vrai, s'ils avaient vraiment compris en profondeur. Le bouddha était proche du parinibbana. Il n'en avait plus que pour 2 ou 3 heures à vivre. Subhadda ne voulait pas rater sa chance. Ananda était auprès du Bouddha et prenait soin de lui. Subhadda demanda donc à Ananda la permission de voir le Bouddha. Mais Ananda lui demanda de renoncer à son intention, de laisser le Bouddha en paix. Ils étaient donc en train de discuter, l'un suppliant de pouvoir entrer, l'autre refusant. Le Bouddha entendit la conversation et demanda à Ananda de laisser entrer Subhadda. Finalement, Subhadda réussit à parler au Bouddha. Il entendit son enseignement, put dissiper ses doutes et il devint un arhat alors qu'il pratiquait la marche. Il fut le dernier disciple du Bouddha. Voilà comment le Bouddha avait de la grande compassion pour tous les êtres. C'est pourquoi, par respect pour le Bouddha, nous pratiquons régulièrement, soit tôt le matin, soit à un moment dans la journée quand nous sommes libres, nous pratiquons le souvenir des qualités du Bouddha. Ici, nous avons pratiqué le souvenir des attributs du Bouddha tous les matins. Nous allons maintenant les réciter à nouveau. Et donc, maintenant, depuis que vous avez entendu cet enseignement, vous pouvez vous faire une idée des qualités du Bouddha, même si vous ne les avez pas encore comprises à fond. Nous allons réciter tous ensemble. Iti bi so bhagava arahaṁ sammā sambuddho vijja jarana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhammasaraji saddha deva manusānaṁ Buddha Bhagava three times. Iti bi so Bhagava Arahaṁ sammā sambuddho Vijjācarana sampanno Sukhato lokavidu Anuttaro purisa dhammasaraji Saddha deva manusānaṁ Buddha Bhagavā Iti bi so Bhagavā Arahaṁ sammā sambuddho Vijjācarana sampanno Sukhato lokavidu Anuttaro purisa Dhamma Sarati Saddha Deva Manusana Bodho Bhagava Sadhu Sadhu Sadhu. Donc les neuf attributs du Bouddha sont Araham, l'accompli, Sammasambuddho, le pleinement réalisé par lui-même, Vijjācarana Sampanno, détenant la connaissance et la vertu suprême, Sugato, a plusieurs significations, bien allé, celui qui parle avec sincérité et uniquement lorsque c'est bénéfique, Lokavidu, le connaisseur des mondes, Anuttaro Purisa, Dhammasarathi, le guide insurpassable des hommes à instruire. Satta Deva Manusanam, maître des dieux et des hommes. Buddho, illuminé. Bhagava, béni. Le Bouddha a donc neuf attributs. Je ne vais pas vous parler des neuf attributs, ce serait trop long. Mais il est bon de comprendre brièvement, en quoi consiste un de ces attributs. La retraite va se terminer demain et nous n'avons pas le temps de passer, d'expliquer tout cela en détail. Vijjācarana Sampanno veut dire celui qui détient la connaissance et la vertu suprême. Vijjācarana sont donc deux mots. Le premier, Vijja, veut dire connaissance. Charana veut dire conduite. Lorsque je me trouvais au centre de Blue Mountain, un étudiant me demanda ce que l'on entendait par conduite. La conduite, c'est très simple, c'est la pratique. Lorsqu'on pratique la méditation vipassana, tôt ou tard, on va comprendre l'esprit et la matière. On va comprendre les causes et les effets. Tout cela, c'est vijja, la connaissance. Mais bien sûr, il y a une différence entre la connaissance que nous avons et la connaissance d'un Bouddha. la connaissance du Bouddha est parfaite. Donc, il y a 3 vijas ou 6 vijas et 15 pratiques. Donc, les 15 pratiques sont la moralité, le contrôle des sens, la modération du point de vue de la nourriture, la vigilance, la honte et la crainte morale, iri otapa, la crainte des conséquences, la connaissance, il y a la connaissance théorique, et ensuite panya, la connaissance expérimentale. Puis vient sadda, la foi, sati, l'attention, viriya, l'énergie, le premier jhana, le deuxième jhana, le troisième jhana, le quatrième jhana. Donc nous pouvons vérifier tout cela par nous-mêmes. Avons-nous pour l'instant sila, la moralité? Oui, nous l'avons puisque nous prenons 9 préceptes tous les jours. Mais ce ne sera pas toujours possible de prendre 9 préceptes. Lorsque nous serons devenus des sotapanna, que nous aurons réalisé le fruit du sotapanna, nous ne briserons plus les préceptes moraux. Les 5 préceptes moraux seront maintenus parfaitement purs, alors que le putujana, l'être ordinaire, rompt facilement ses préceptes moraux. La deuxième pratique, c'est le contrôle des sens. Le contrôle des sens est très utile. Il faut contrôler l'œil, l'oreille, le nez, la bouche, le corps et l'esprit. Comment contrôle-t-on ces choses? En étant tout simplement attentif. Lorsque on voit quelque chose, il faut noter « voir ». De cette façon, on contrôle la faculté visuelle. Et il faudra faire la même chose lorsqu'on entend un son, qu'on sent une odeur, qu'on goûte une saveur, qu'on a un contact physique ou qu'on pense. Chaque fois, il faudra être attentif et noter ces choses. Si nous sommes attentifs au moment précis où le contact a lieu, ni le désir ni la colère ne peuvent pénétrer dans l'esprit. Il n'y a qu'une sensation qui se situe entre le désir et la colère. Le Bouddha a réussi à contrôler parfaitement ces choses. La troisième pratique consiste à se modérer du point de vue de la nourriture. Nous devons comprendre qu'il est nécessaire de contrôler son alimentation. Nous devons en connaître les avantages et les désavantages. Par exemple, si on mange trop, la somnolence va facilement s'infiltrer dans l'esprit. Tinamida est l'ami du yogi. Si la nourriture est trop riche, comme le lait par exemple ou le fromage, la somnolence va également attaquer. Mais si par contre on ne mange pas assez, il n'y aura pas de nourriture dans l'estomac et c'est le feu digestif qui va attaquer, Pasaka Tejo. Nous aurons faim, nous ne nous sentirons pas bien. Lorsqu'on ne se sent pas bien, qu'on a faim, il n'est pas possible de bien pratiquer. Le corps se met à trembler, l'esprit est agité. Il faudra donc doser correctement sa nourriture. Manger en suffisance, mais pas trop. Tout cela varie d'une personne à l'autre. Certains auront un Pasaka Tejo puissant et fort. Ils digéreront facilement. Mais d'autres auront un Pasaka Tejo faible et ne digéreront pas facilement. Nous devons donc nous connaître et ajuster notre alimentation. Les yogis doivent développer leur connaissance. Un bhikkhu qui s'efforce d'atteindre la libération ne doit avoir aucun attachement ni pour la vie ni pour son corps. Il doit travailler en se disant qu'il n'abandonnera pas la pratique tant qu'il n'aura pas atteint la libération. Ce bhikkhu qui lutte pour atteindre la libération doit également se modérer au point de vue de l'alimentation. Il doit se priver des 4 ou 5 dernières bouchées et les remplacer par de l'eau. De cette façon, il pourra vivre confortablement et il pourra développer son attention. Dans nos pays, nous mangeons avec la main droite. Nous nous lavons d'abord les mains et ensuite nous mangeons, nous prenons la nourriture avec la main droite. Mais ici, vous n'utilisez pas la main pour manger, vous vous servez de cuillère, de couvert. Donc, vous devez compter en cuillerée. Imaginons par exemple qu'un repas pour vous, cela veut dire 25 cuillerées de nourriture. Vous devez donc renoncer aux 5 dernières cuillerées et prendre de l'eau à la place. Mais vous devez boire l'eau à la fin du repas. Au moment où vous mangez, vous ne devez pas boire de l'eau. Donc c'était une des pratiques que le Bouddha avait adoptées dans le but d'atteindre donc l'illumination parfaite. Parfois, la nourriture nous semblera très bonne et nous aurons tendance à trop manger, mais nous devrons alors prendre des médicaments, nous pourrions éventuellement tomber malades. Tout simplement parce que nous mangeons sans contrôle. La pratique suivante, c'est la vigilance. Il faut être toujours vigilant, l'esprit alerte. Il ne faut pas trop dormir. Donc, il faudra toujours être alerte et fournir un effort. Et il faudra fournir cet effort non seulement pendant l'assise et pendant la marche, mais également au moment où vous dormirez. Il faudra se contenter de 4 heures de sommeil par nuit. C'est suffisant pour un yogi, selon l'enseignement du Bouddha, et c'est ce qui est enseigné dans les centres Mahasi. Dans les centres Mahasi, on estime que le méditant, le yogi, est capable de ne dormir que 4 heures par nuit. Mais si c'est difficile pour lui, il peut aller jusque 6. Si nous dormons trop, notre esprit va s'assoupir, il va devenir paresseux, ignorant. Si l'esprit est paresseux, ignorant, Mara va facilement s'y infiltrer. Mara, c'est la personnification des kilesas, les impuretés, comme l'envie, la colère, l'orgueil, etc. Si vous dormez trop, Mara va facilement s'infiltrer dans votre esprit, parce que vous serez affaibli. Il faut donc faire toujours preuve d'énergie, de vigilance. Le Bouddha était parfait à ce point de vue. Il ne dormait que 2 heures par nuit. Vient ensuite la pratique de Iri et de Otapa. Iri, c'est la honte morale. On a honte de faire des actes immoraux. La personne qui est ignorante ne fait pas la différence entre ce qui est moral et ce qui est immoral, entre le bien et le mal. Les êtres illuminés sont capables de faire cette différence. Et lorsqu'on pratique et que la pratique se développe, le yogi fait très attention à ne pas poser d'actes physiques négatifs ou dire des paroles négatives. Otapa, c'est la peur essentiellement des conséquences. On a peur, par exemple, de reprendre naissance dans les mondes inférieurs à cause d'actes négatifs. Vient ensuite les suttas. Sutta, c'est la connaissance théorique. Panya, c'est la connaissance expérimentale qui vient de la pratique. Vous connaissez ensuite Sadda, Sati, Viriya, le premier jhana, le deuxième, le troisième et le quatrième. Ce sont donc là les 15 pratiques. That's enough for today. With the recitation, we are going to finish our Dhamma talk. Sambhagava-araham-sammasambhugro Vijajana-sampanno Sugato-lokavidu Anodaro-purisa-dhammasaranti Satta-deva-manosana Bodho-bhagava Sadhu, sadhu, sadhu. May you be well, happy and peaceful. May you be able to practice meditation diligently, ardently. May you understand the Dhamma clearly as they really are, then attain Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.